Chapitre 8e. Un soir de fin d'été, c'était à Sally de Béarn, elle revenait à petits pas de la promenade quotidienne qu'elle s'accordait. Il y avait maintenant 20 mois de l'accident de M. Bertoli. Il y en avait 4, bientôt 5, qu'elle ne savait rien de Robert. Que faisait-il? Sous quels cieux souffrait-il? Jusqu'à quand? Elle sonna à la porte de la petite villa qu'elle avait louée. La femme de chambre lui ouvrit effarée. « Que madame se hâte. Je vais chercher le médecin. Je crois que monsieur n'est pas bien. » Gisèle se hâta. Le visage officiellement apitoyé du médecin l'avertit du premier coup d'œil. C'était la fin. Le corps informe de Jean Bertoli se convulsait avec des soupirs affreux. Mais le mal gagnait. La lutte dura quelques heures. La mort survint à minuit. L'enterrement eut lieu le surlendemain. Il n'y avait pas de parents proches. Gisèle le conduisit seule dans le petit cimetière béarnais. Quelques curieux s'étonnèrent qu'elle ne pleurât point et en furent scandalisés. Rentrée chez elle, elle s'assit à son bureau et écrivit « Robert, Jean a cessé de souffrir. Je suis veuve. Gisèle. » Puis elle cacheta la lettre avec de la cire grise. Elle la porterait elle-même à la poste après dîner. Elle se mit à table. La fièvre la brûlait. Comment ferait-elle pour vivre, pour ne pas devenir folle jusqu'à son arrivée? Qui sait où cette lettre irait le trouver? Elle aperçut à côté d'elle un journal mondain où quelquefois elle avait vu le nom de Robert. Peut-être annonçait-il son retour ou l'adresse ou un message direct, irait le trouver? Elle déplia la feuille imprimée, la parcourut rapidement. Tout à coup, ses yeux devinrent fixes. Sous la rubrique « Mariage », on lisait « Nous sommes heureux de pouvoir annoncer officiellement les fiançailles de notre ami M. Robert Daugier, ancien lieutenant de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, avec Mademoiselle Noëlle Princeret, la fille du riche industriel bien connu. Le mariage aura lieu dans la première quinzaine du mois prochain. » Plusieurs fois, Gisèle relut les petites lignes imprimées. Malgré elle, ses idées s'éparpillaient. Noëlle, c'était un joli prénom. Princeret sonnait moins bien. Elle se sentit s'en aller. Mais obstinée, elle résista. Fiancée, il était fiancée. Elle n'éprouva pas de colère contre lui. Reconnaissant la main du destin, elle comprenait. Il avait résisté et souffert longtemps. Mais il n'était qu'un homme, comme les autres. Son cœur avait besoin de joie. Il s'était laissé distraire, attendrir. Il serait peut-être heureux. Gisèle aperçut sur la table sa lettre préparée. Elle l'approcha d'une bougie. Le papier s'enflamma, acheva de se consumer sur la cheminée, et elle souffla sur les petites poussières noires qui s'envolèrent. Elle ne se révoltait pas, seulement elle se sentait très faible et brisée. Il lui semblait qu'elle était tombée de très haut, qu'elle était meurtrie, qu'elle étouffait. Elle s'approcha de la fenêtre pour respirer. Éblouissant et somptueux, le firmament s'offrit à elle. Les étoiles dansaient dans leur sérénité coutumière. Les choses éternelles reluisaient, solides et immuables, insoucieuses des peines et des joies. Et tout à coup, l'un après l'autre, voici que deux astres brillants parurent se détacher de la voûte, la traversèrent d'un éclair, allèrent s'éteindre vers l'Occident. Et Gisèle se souvint du vœu qu'elle avait formé jadis, du vœu qu'elle avait formé trop tard. Alors, elle se mit à pleurer sur elle-même, de grosses larmes, chaudes, lentes, infinies. Ainsi s'achève L'étoile filante par André Lichtenberger.